Cet homme était un symbole. Mais est-ce pour cette raison qu'il est mort, assassiné, ou bien cette exécution dissimule-t-elle d'autres secrets? Il y avait longtemps que je voulais interroger M. X sur ce mystérieux dossier, la mort, en avril 1968, du pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix et inlassable combattant de la lutte contre la ségrégation raciale. Un assassinat qui, il faut le rappeler, précède de 2 mois à peine celui de Robert Kennedy. Autant le dire tout de suite, l'affaire n'a jamais été vraiment éclaircie. Bien sûr, le tueur présumé a été arrêté, il a même avoué, mais il s'est aussitôt rétracté. Et depuis, il n'a jamais cessé de protester de son innocence. James Earl Ray, c'est son nom, a en effet toujours prétendu jusqu'à sa mort en prison en 1998 qu'il avait été manipulé, qu'on s'était servi de lui. Bref, Ray n'aurait été qu'un pion dans le grand complot élaboré pour éliminer Martin Luther King. Cette semaine donc, M. X a accepté de me dire ce qu'il savait de ce dossier. Oui, il est tentant de voir l'intervention de la police fédérale américaine et même de certains services secrets. Mais auparavant, ces quelques lignes, un extrait d'un discours célèbre et prophétique de Martin Luther King. Je rêve qu'un jour, sur les rouges collines de Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans un pays où on ne les jugera pas à la couleur de leur peau, mais à la nature de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. 5 ans après avoir tenu ce vibrant discours devant 250 000 personnes réunies au pied du Lincoln Memorial, Martin Luther King tombe sous la balle d'un tueur, au cœur même de ce sud raciste et réactionnaire toujours hanté par les cagoules du Ku Klux Klan. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je ne vois pas des complots partout. Malheureusement. Mais à propos de l'assassinat de Martin Luther King, il est légitime de se poser des questions. D'accord, mais vous savez la vérité? Je vais être franc, je ne sais pas tout. Quelle modestie pour une fois. Hein. Vous ne moquez pas, mais enfin, parfois la vérité semble si évidente qu'il convient peut-être de s'en méfier. C'est bien si bien. Je vais tenter de vous expliquer. Quelques mots d'abord sur Martin Luther King. Ouais, volontiers. King est né à Atlanta à la fin des années 20, au sein d'une famille aisée et très religieuse. À une époque donc où la ségrégation raciale pèse encore de tout son poids sur la société américaine. Et particulièrement dans les États du Sud, où l'on n'a pas oublié la guerre de sécession et où les tueurs du Ku Klux Klan sont encore très actifs. J'imagine que le jeune Martin Luther peut faire de bonnes études s'il est, il est originaire de la, appelons ça, la bourgeoisie noire. Tout à fait. Et très vite, il choisit la voie du séminaire. C'est déjà un jeune homme qui a de grandes facilités d'élocution et un charisme évident. Et presque naturellement, étant donné ses études et ses attaches familiales, il devient pasteur de l'église baptiste et il est nommé à Montgomery, la capitale de l'Alabama. Dans le sud profond, hein, c'est ça. Et il a alors quel âge ? 25 ans. Et tout de suite, il va être confronté à un événement apparemment mineur, mais qui va décider de son destin. En décembre 1955, à Montgomery, justement, dans un autobus, une jeune couturière noire refuse de laisser sa place assise à un passager blanc. Ça n'a l'air de rien. Mais jusqu'alors, aucun Américain noir n'aurait osé se conduire ainsi. Et la conséquence, alors ? La jeune femme est tout simplement jetée en prison et condamnée. Pour un motif aussi dérisoire. Oui. Et ce seul fait montre bien que c'était un véritable apartheid qui existait dans les anciens États confédérés. Et même dans d'autres États où la ségrégation entre blancs et noirs était moins visible, mais tout aussi réelle. Mais réelle et hypocrite. Bien entendu. En tout cas, cette petite injustice va provoquer un véritable électrochoc dans la communauté noire. Et c'est le jeune Martin Luther King qui en est l'artisan. Que fait-il ? En tant que pasteur, il se considère comme le véritable guide des Noirs de Montgomery. Et il lance un mouvement qui va bientôt faire tache d'huile. Le boycott des autobus par la communauté noire. Il est suivi ? Oui. Car non seulement les Noirs de la ville observent massivement ce boycott, mais d'autres agglomérations du Sud sont à leur tour touchées. Le résultat, c'est qu'après 1 an de boycott, les autorités de Montgomery décident de mettre fin à la ségrégation raciale dans les transports en commun. Ouais, une victoire, donc. La première, oui. et c'est le début de la lutte de Martin Luther King pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs contre la discrimination raciale. Mmh. Quelle forme va-t-il donner à cette lutte ? King est un grand admirateur de Gandhi et il va agir comme lui. La non-violence, oui. Et la désobéissance civile. Mmh. Et à partir de cette première expérience de Montgomery, Martin Luther King sera de tous les combats des Noirs américains. Et il n'hésitera jamais à payer de sa personne en affrontant les policiers et leurs chiens lors de manifestations férocement réprimées. King sera d'ailleurs arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. D'autres militants noirs vont choisir des moyens plus radicaux. C'est juste, Malcolm X, Carmichael ou encore Cleaver. Ils vont créer des organisations comme les Panthères Noires, qui n'hésiteront pas à recourir à la provocation et la violence. Et le fossé ne cessera de se creuser avec Martin Luther King et son mouvement, le SCLC, c'est-à-dire la Southern Christian Leadership Conference. King sera même traité d'oncle Tom par les militants du Black Power. Oui, la pire insulte. De la fin des années 50 au milieu des années 60, le pasteur King est la personnalité la plus populaire de la communauté noire américaine. Et en 1963, il est à l'origine de la grande marche interraciale de protestation qui commémore le centenaire de l'abolition de l'esclavage et conduit des centaines de milliers de personnes à Washington. Ouais, c'est là où il prononce son discours historique, là, j'ai fait un rêve. Et avec lui, c'est cela. Et à cette occasion, King est reçu à la Maison-Blanche par John Kennedy. Un an plus tard, il y revient pour assister à la signature par Lyndon Johnson de la loi sur les droits civiques. Et cette même année, en 1964, donc, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix. Ouais, c'est la consécration. Et une considérable avancée pour les Noirs américains. Désormais, ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales, et il est officiellement mis fin à la ségrégation dans les écoles et les lieux publics. Patrice Mala King a donc gagné. En principe, oui. Même si dans le Sud, principalement en Alabama, les racistes soutenus par le gouverneur Wallace résistent. Mais King s'est fixé un autre objectif, la lutte contre la misère. Une misère attisée par les leaders noirs les plus extrémistes et qui va être à l'origine de nombreuses émeutes dans les ghettos noirs des grandes villes. Comme à Watts. Exact. Pendant l'été 1965, ce quartier noir de Los Angeles s'embrase. La garde nationale intervient, il y aura des dizaines de morts et au moins 100 millions de dollars de dégâts. Et devant un tel événement, comment réagit King, le non-violent ? D'une certaine façon, il se sent désavoué. Dépassé ? Oui, incontestablement. Lui, le pacifiste, le chrétien, ne peut pas approuver les appels à la violence des leaders noirs les plus radicaux. Mais en même temps, il sait que cette misère qu'il dénonce est la vraie cause de tous ces débordements et il en tire les leçons. En se radicalisant, lui aussi ? À sa manière, oui. Il se rend compte que les avancées sur les droits civiques ne résolvent pas toujours les difficultés réelles des Noirs dans la société américaine. Le chômage, les inégalités, le sous-développement économique et culturel des communautés dans les grandes villes du Nord, l'existence de véritables ghettos. Toutefois, est-ce qu'il renonce à la non-violence ? Il ne le peut pas. Mais dans les dernières actions qu'il organisera, il sera débordé par des militants plus déterminés qui feront dégénérer ces manifestations. Des militants ou peut-être des éléments provocateurs. Martin Luther King subit donc une incontestable perte d'influence. Il ne tient plus ses troupes. Oui, et ça explique sans doute que le pasteur King se fixe un autre objectif. Dès 1967, il prend nettement position contre la guerre du Vietnam et l'engagement militaire américain. Ce faisant, le prix Nobel de la paix choisit de s'opposer frontalement au président Johnson, l'homme qui a pourtant fait le plus pour les Noirs américains. 1967, dites-vous, et c'est en 1968 que Martin Luther King va être assassiné. Il pourrait y avoir un rapport entre cette prise de position du pasteur contre la guerre du Vietnam et son élimination ? On peut se poser la question. Enfin, il faut se rappeler que Johnson, dans la droite ligne de ce qu'avait commencé Kennedy, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, avait résolument engagé les États-Unis au Vietnam. Accroissement considérable en nombre du contingent américain, bombardement massif sur le Nord-Vietnam. C'était maintenant une vraie guerre que Washington menait là-bas. Une guerre impopulaire dans l'opinion américaine. Pas encore. La population dans son ensemble soutenait son président. Mais les choses pouvaient très vite changer, surtout à partir du moment où une personnalité si charismatique prenait position contre la guerre. Martin Luther King pouvait entraîner une partie notable de la communauté noire. Ça, c'est certain. Mmh. Et il avait déjà décidé de tout mettre en œuvre pour faire échouer Johnson dans le cas où celui-ci se présenterait à l'élection présidentielle de 68. Oui, mais celui-ci ne se présentera pas. Non. Non, il renoncera en mars 68, je crois. Et l'action entreprise par le pasteur King a dû jouer un rôle dans cette décision. Mais vous ne pensez quand même pas que Johnson pourrait être pour quelque chose dans son assassinat ? Non, pas Johnson lui-même, mais tout avait été quand même entrepris pour diaboliser Martin Luther King. Et parmi ceux qui comptait comme ses ennemis les plus farouches, il y avait le redoutable Monsieur Hoover. Monsieur Hoover, Edgar Hoover, le directeur du FBI. Oui. L'inamovible Edgar Hoover, l'homme qui avait décidé la perte de Martin Luther King par tous les moyens. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. André Caspi est l'un des meilleurs connaisseurs des États-Unis. Ce professeur à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages, a écrit en 1998 un article consacré à Martin Luther King dans la revue L'Histoire. Je vous propose cet extrait. Nous sommes en 1965. King vient de recevoir le prix Nobel et il a obtenu du président Johnson qu'il renforce le contrôle fédéral sur les inscriptions électorales. Comme l'écrit Caspi, c'est la fin de l'apartheid. King vient d'atteindre le sommet de la gloire et de la popularité. La guerre du Vietnam est maintenant la préoccupation majeure des Américains. La conscription et le système des sursis désavantagent les jeunes noirs qui partent faire la guerre en nombre proportionnellement plus élevé que les jeunes blancs. Les programmes sociaux subissent le contre-coup des dépenses militaires. Les premières émeutes urbaines éclatent. King ne désespère pas. Il prend parti officiellement contre la guerre du Vietnam, comprend que maintenant il doit combattre la pauvreté qui frappe surtout les Noirs, donc déplacer son action dans les villes du Nord et du Middle West. Tandis que de nouveaux leaders comme Stokely Carmichael parlent d'un pouvoir noir, le Black Power, et répondent ainsi à l'impatience, aux frustrations de la génération montante. À New York comme à Chicago, King critique avec vigueur le président Johnson qui oublie les ghettos noirs et concentre toute son attention sur une guerre lointaine, contestée, qui aggrave les divisions politiques et sociales du pays. Il admoneste ses auditeurs en leur rappelant qu'il faut souvent attendre pour que le succès vienne. Sa modération déçoit. Ils sont de plus en plus nombreux, les Noirs qui le surnomment The Lord, The Lord, le Seigneur, le Seigneur. Le maître parle bien, trop bien, il vit bien, trop bien, il fréquente les Blancs et jouit des honneurs, mais ne comprend plus guère les habitants de Harlem, de Philadelphie et de Saint-Louis. L'accusation est injuste. Elle souligne pourtant que le prestige de King faiblit, que sa puissance de conviction n'est plus ce qu'elle était, que le temps de la non-violence est passé. Vous venez de me dire que le FBI cherchait à diaboliser Martin Luther King, comment ? Il faut d'abord souligner que Hoover faisait une véritable fixation à l'égard du leader noir. Il le haïssait de façon presque déraisonnable. Pourquoi ? Parce que Martin Luther King représentait à peu près tout ce que Hoover détestait. D'abord, il était noir. Bah, Hoover était raciste. Farouchement, il en a donné maintes preuves. Dans les États du Sud, ses agents ont souvent fait cause commune avec les polices locales lorsqu'il s'agissait de réprimer les manifestations des Noirs contre la ségrégation raciale. Et visiblement, ils étaient encouragés par Hoover lui-même. Hoover qui était exaspéré de constater que King devenait un personnage de plus en plus populaire. Et un leader reçu à la Maison Blanche en plus. Et pour lui, c'était l'horreur. Et lorsque le pasteur a reçu le prix Nobel de la paix, le directeur du FBI a vécu cela comme un affront personnel. Vous n'exagérez pas un peu, là ? Pas du tout. Et un jour, devant un parterre de journalistes, Hoover est même allé jusqu'à traiter King de plus grand menteur du pays. Et naturellement, il savait que ses propos seraient rapportés. Oui, il a fait sciemment cette déclaration. Ce n'est donc pas un dérapage verbal. Absolument pas. Hoover, qui était un conservateur pur et dur, ne pouvait qu'être irrité par le combat de King contre la misère. Pour lui, le leader noir n'était qu'un agitateur qui menaçait de ruiner les bases mêmes de la société américaine en montant les noirs contre les institutions. Ouais. Est-ce que Martin Luther King lui rendait cette haine ? Oh, le pasteur ne l'aimait guère, c'est sûr. Il ne ratait pas une occasion de dénoncer la collusion entre le FBI et les flics racistes du Sud. Je vous repose la question, Coq. Comment Hoover s'est-il pris pour diaboliser Martin Luther King ? Mais il a d'abord utilisé un argument éculé, mais encore très efficace aux États-Unis. Hoover a accusé King d'être manipulé par les communistes. Est-ce qu'il y avait un fond de vérité dans cette accusation ? King lui-même était loin d'être communiste. Mais dans son entourage, c'est vrai, il existait des gens qui appartenaient secrètement ou avaient appartenu au Parti communiste. Des gens qui se servaient de lui ? Ou qui étaient tentés de le faire. Les violentes prises de position de King contre la guerre du Vietnam allaient dans leur sens. Ouais, d'accord, mais est-ce que ces gens avaient réellement inspiré Martin Luther King ? Non, je ne crois pas. Mais je vais y revenir un peu plus tard, car cette question est essentielle. Alors, en tout cas, je note que l'accusation de Hoover n'était quand même pas tout à fait dénué de fondement, hein. Pas tout à fait, non. Mais même si, j'insiste encore une fois, King n'était pas communiste. Hein. Et s'il l'avait été, Hoover ne se serait pas contenté d'accusations allusives et mensongères. Ouais, encore a-t-il fallu qu'il en ait la preuve, hein. Oh, rien de plus facile pour le patron du FBI. Martin Luther King faisait l'objet d'une surveillance incessante. Ses conversations téléphoniques étaient écoutées en permanence et à plusieurs reprises, les agents fédéraux ont sonorisé les chambres d'hôtel où il descendait. Ouais, par conséquent, si King avait été communiste ou avait eu des accointances sérieuses avec des communistes, vous pensez que Hoover l'aurait appris immédiatement, c'est ça? Évidemment. Le FBI n'ignorait rien de la vie du pasteur, y compris des détails les plus intimes, et Hoover a tenté de s'en servir. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ah, King avait une faiblesse, les femmes. Les femmes? C'était un séducteur? Il semble. À cause de ses activités militantes, il était toujours par Mons et par Vaux, et ma foi, il lui arrivait au cours de ses voyages de faire de fréquents accros à la fidélité conjugale. Et pourtant, dites-moi, c'était un homme d'église. Ah, oh, personne n'est parfait, mon cher. En effet. Mais est-ce que Hoover a essayé d'utiliser cette faiblesse du pasteur King? Bien entendu. Le grand talent, si on peut appeler ça talent, du directeur du FBI, c'était ça. Se servir des défauts de ses contemporains. Et pour cela, constituer des dossiers, des milliers de dossiers, sur ses adversaires, mais aussi sur ses amis ou prétendus tels. Ouais. Ce qui explique le fait, hein, qu'il soit resté aussi longtemps à la tête du FBI. Oui, personne, aucun président n'a osé attaquer de front Edgar Hoover. Et pourtant, la plupart de ses dirigeants américains le détestaient et auraient bien aimé se débarrasser de ce personnage encombrant qui avait tendance à se comporter de façon parfaitement autonome. L'exemple le plus frappant étant évidemment ses rapports avec le clan des Kennedy. Mais qu'en était-il exactement, rappelez-moi là. John et surtout Bob, qui était son supérieur hiérarchique en tant que ministre de la Justice, le supportaient très mal. Mais ils n'ont rien pu faire contre lui. Pourquoi exactement? Parce que Hoover savait que JFK devait son élection à la mafia. Hoover était d'autant plus au courant que lui-même entretenait des rapports très étroits avec certains parrains du crime organisé. Mais revenons à Martin Luther King. D'accord, ouais. Le FBI détenait donc des bandes enregistrées qui témoignaient avec éloquence des aventures extra-conjugales du pasteur. Ouais, je veux bien, mais enfin, que faire de ces enregistrements? Faire chanter King pour l'amener à infléchir ses prises de position, sur Vietnam en particulier? Non. Non, enfin, pas dans un premier temps, en tout cas. Hoover a d'abord tenté de ruiner la réputation de King. Il a proposé les scripts des enregistrements à plusieurs journalistes. Pour qu'il le publie. Évidemment. Mmh. Mais les journalistes américains de cette époque étaient sans doute plus scrupuleux que ceux d'aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a accepté d'utiliser ces textes qui portaient gravement atteinte à la vie privée du pasteur King. Sans compter que les enregistrements avaient été réalisés de façon parfaitement illégale, hein. C'est vrai, vous avez raison. Ça explique aussi que ces journalistes, dont certains, surtout ceux du Sud, étaient loin d'être des amis politiques de Martin Luther King, ont refusé d'utiliser ces documents. Alors, ces enregistrements avaient été effectués en pure perte? Non. Donc, Hoover n'était pas un homme à se résigner aussi facilement. Et il est à nouveau passé à l'offensive, et de manière particulièrement perfide, en essayant de frapper le pasteur au sein même de son foyer. Pourquoi? Il a communiqué les enregistrements à son épouse? Exactement. Au début de l'année 65, Coretta King a reçu... Coretta, la femme de... Oui. Oui, a reçu un colis anonyme. À l'intérieur, il y avait une sélection des enregistrements effectués clandestinement par l'FBI, mais aussi une lettre destinée au pasteur. Une lettre écrite par qui? Par les services de Hoover. Mais rédigée de telle façon qu'on pouvait penser qu'elle avait été écrite par un militant déçu du mouvement de Martin Luther King. Et cette lettre-là, que disait-il? Écoutez, je ne me souviens plus très bien des termes exacts, mais en gros, ce pseudo-militant accusait le pasteur d'être un homme dépravé, immoral, un individu qui abusait son monde et qui devait donc mettre fin à ses fonctions et même à sa vie tout court avant qu'il ne soit révélé la vérité sur sa malhonnêteté. Vous avez dit qu'on lui demandait de mettre fin à sa vie, quoi. C'est la vérité. Et quelles ont été les conséquences de l'envoi de ce colis? Désastreuse. Je vous laisse imaginer quelle a été la réaction de Mme King quand elle a appris son infortune conjugale. Mais le pasteur a été lui-même touché bien au-delà de la crise de son couple. Il était désormais clair que ses ennemis ne lui laisseraient aucun répit. Est-ce qu'il a compris tout de suite que le coup venait du FBI? Bien sûr. Ces enregistrements n'avaient pu être effectués que par des spécialistes des écoutes, mais... Comme il connaissait depuis longtemps la haine que lui vouait Hoover, le crime lui paraissait signé. A-t-il été tenté à un moment ou à un autre de suivre les conseils perfides de cette lettre? D'après ses proches, oui. Pendant un long moment, King s'est comporté comme un boxeur sonné, un homme prêt à tout abandonner. Mais il a finalement surmonté son angoisse. Et son sentiment de culpabilité. Oui, et il a décidé de continuer à se battre de plus belle au risque de terminer sa vie comme un John Kennedy. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Stephen Oates a écrit une biographie de Martin Luther King, paru en 1985 aux éditions Le Centurion. Il y évoque longuement les manœuvres du FBI contre le prix Nobel de la paix. Et voici ce qu'on peut lire. Sur les ordres de Hoover, un directeur adjoint, Dick DeLoach, et ses hommes de la section des casiers judiciaires montrèrent le texte à divers fonctionnaires, sénateurs et députés, et leur fit même écouter les bandes enregistrées à partir des micros disposés dans les hôtels. « Je fus scandalisé », dit l'attorney général suppléant Nicolas Kanzenbar, quand il eut connaissance du dossier du FBI sur King, et il en référa directement au président. Mais Johnson ne fit rien pour réfréner Hoover. Il pouvait difficilement se permettre de s'aliéner le puissant directeur. Il préférait, disait-il, l'avoir dans la tente pissant dehors plutôt que dehors pissant dedans. Et il éprouvait de la sympathie pour lui. En fait, Johnson, non seulement lut le texte de Hoover qu'un de ses collaborateurs comparait à un ouvrage érotique, mais écouta les bandes, se complaisant apparemment dans les gloussements d'alcôve. King a donc compris très tôt qu'on essaierait un jour de se débarrasser de lui, peut-être même de l'assassiner. Ça, j'en suis certain. Et très peu de temps avant sa mort, dans un sermon prémonitoire, il a annoncé en quelque sorte son prochain assassinat. Mais est-ce qu'il pouvait imaginer que le FBI prendrait une telle initiative? Pourquoi pas? Il connaissait bien Hoover, il savait de quoi il était capable, il n'ignorait pas les connexions qui existaient entre le FBI et la mafia, ou encore entre l'agence fédérale et les organisations extrémistes et racistes des États du Sud. Par conséquent, si Hoover décidait de l'éliminer physiquement, il ne lui serait pas difficile de trouver un tueur. Ouais. Après l'affaire du colis, là, est-ce que King a changé quelque chose dans sa vie? Ben, il est devenu plus prudent, ça c'est sûr. Ouais. Plus prudent, vous voulez dire, dans sa vie privée? Je ne sais pas s'il a continué à avoir des aventures, mais en tout cas, il a été beaucoup plus discret. Ah, parce qu'il savait que le FBI essaierait à nouveau de l'écouter. Et que la traque ne s'arrêterait pas là. Il lui fallait donc prendre des précautions pour échapper au micro, d'autant qu'il venait de se prononcer vigoureusement contre l'engagement américain au Vietnam. Alors, lui et ses collaborateurs rusaient, changeaient par exemple de chambre ou de salle de conférence au dernier moment. Mais est-ce que les manœuvres calomniatrices de Hoover ont cessé Ah, pas du tout. Jusqu'au bout, le directeur du FBI a prétendu que King était payé par les communistes. Et ce qui est pire, c'est qu'il en a convaincu le président Johnson. Alors, on peut penser que la décision de l'éliminer... Attendez, n'allons pas trop vite quand même. L'été 1967 est marqué par une recrudescence de la violence dans les quartiers noirs des grandes villes. De véritables émeutes dans ces ghettos minés par le chômage et la misère, à Détroit, par exemple. Les combats de rue durent 4 jours, et le président Johnson envoie l'armée. Il y a plus de 40 morts. Et que fait Martin Luther King? Fidèle à lui-même, il ne peut pas encourager les émeutiers, même s'il les comprend, mais il exhorte le gouvernement américain à agir contre la pauvreté et le chômage. Est-ce qu'il est entendu? Pas du tout. La grande affaire de Johnson, c'est le Vietnam. Là-bas, il y a presque 500 000 GI, et ça coûte très cher, beaucoup trop cher. Il n'y a plus d'argent pour les programmes de lutte contre la pauvreté. C'est ça. Et la situation reste explosive dans tous les quartiers noirs. On sent qu'à la moindre étincelle, le feu pourrait repartir. Ça sera le cas après l'assassinat de King. Hein. Oui, et plus de 150 cités seront touchées, leurs centres-villes seront dévastés. Même à Washington, on assistera à de très violents combats de rue. Alors, justement, venons-en à 1968. Martin Luther King, qui, je vous l'ai dit, est débordé par les dirigeants les plus durs du Black Power, envisage l'organisation d'une grande marche sur Washington, la marche des pauvres. Ouais, c'est-à-dire qu'il essaie de reprendre la main, là. En effet. Ouais. Mais ça, c'est une marche à risque, non? Certainement, cette manifestation peut dégénérer. Mais le pasteur est décidé à tout faire pour montrer que les Noirs américains peuvent s'exprimer dans le calme et la dignité. Il est donc tout occupé à la préparation de cette marche lorsqu'il apprend que les éboueurs de Memphis viennent de se mettre en grève. Des éboueurs noirs, j'imagine. En majorité, bien sûr. Et que veulent ces éboueurs de Memphis, là? Des salaires décents, de meilleures conditions de sécurité et aussi la fin de la ségrégation raciale au sein de l'entreprise. Mais le maire refuse toutes leurs propositions. Et lorsque ces hommes décident de manifester, il envoie la police qui se conduit avec la brutalité qui lui est coutumière dans ce sud profond. Ouais. Martin Luther King suit cette affaire en personne. Bien entendu, et les éboueurs lui demandent de venir les aider. Il accepte, non? Ne pas très enthousiaste. Mais pourquoi? D'abord, il est très occupé par la préparation de sa marche sur Washington. Ensuite, il sait qu'à Memphis, il sera en danger encore plus qu'ailleurs. Parce que c'est la capitale d'un État du Sud. Ouais. Oui, d'un autre côté, il ne peut pas ne pas répondre à cet appel au secours. Alors, finalement, il décide de se rendre à Memphis. Et fin mars, il défile à la tête des grévistes. Malheureusement, les choses se gâtent très vite. Il y a des violences, la garde nationale intervient, résultat des dizaines de blessés et un mort. Un mort, un noir ? Un noir, oui. Ouais. C'est donc une sorte de défaite pour le pasteur non-violence. Hein, un échec, ouais. Effectivement, mais King ne veut pas en rester là. Et avant sa marche sur Washington, il veut revenir à Memphis. Ouais. Un autre défilé ou... Oui, mais un défilé qu'il veut pacifique et qui sera comme le prélude de la marche de Washington. Il est donc de retour à Memphis au début avril. Ouais. Quel est le climat, là ? Très mauvais. La presse locale promet un bain de sang. Une sorte d'incitation à la violence. En tous les cas, ça y ressemble, oui. Et vous le savez, le 4 avril, alors qu'il se trouve sur le balcon de sa chambre d'hôtel, Martin Luther King est tué d'une balle en pleine tête, malgré la protection policière dont il disposait. Ouais. Et on trouve assez vite la piste de son assassin. Hein? Son assassin présumé, oui. Un certain James Earl Ray, un gangster minable et un authentique raciste. Vous avez dit assassin présumé. Naturellement, car ce Ray a tout fait pour être rapidement identifié. De nombreux témoins l'ont vu et il a abandonné son sac. À l'intérieur, il y avait une carabine qui portait ses empreintes. Ce type, c'était le petit Pousset. Pourtant, je me souviens, on ne le retrouvera pas tout de suite quand même. Hein. C'est vrai, il parvient à fuir à l'étranger, séjourne dans plusieurs pays avant d'être finalement arrêté à Londres en 1969. Pensez qu'il a été aidé ? Au moins financièrement, ça me semble évident. Mais la suite n'est pas moins tromblante. Ray est extradé, il plaide coupable, il est donc jugé sans qu'il y ait un procès. Ouais, ça, c'est la loi américaine. Ouais, ce qui lui permet d'éviter la peine de mort. Mais quelle est sa condamnation là ? 99 ans de réclusion. Toutefois, aussitôt après avoir été condamné, il se rétracte. Alors, quelle est son explication ? Il dit qu'il n'a été qu'un pion dans un complot destiné à battre Martin Luther King. Il n'aurait pas alors tiré lui-même ? Non, et la carabine de chasse retrouvée n'aurait pas été l'arme du crime. Et il n'y a plus les expertises. Elles seront refaites beaucoup plus tard, et elles s'avéreront non concluantes. Par conséquent, il y a toujours un doute. Toujours, oui. Toujours. Car jusqu'à sa mort en 1998, Ray ne cessera de protester son innocence. Ah. Vous avez mis un avis, ou ? Je crois effectivement que Ray n'a pas été l'assassin. Il a été manipulé, il a joué un rôle. Il a été en quelque sorte le Lee Harvey Oswald de cette affaire. La différence pas que lui n'a pas été assassiné. C'est juste. Mais je suis persuadé qu'il n'a joué qu'un rôle de bouc émissaire. Et les informations recueillies ultérieurement le démontrent. On n'a pas vraiment cherché à savoir ce qu'il s'était réellement passé. Et de nombreux témoins n'ont pas été entendus. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a une abondante littérature sur le sujet, même sur Internet. Ouais. En tout cas, vous voulez dire que le FBI a tout de suite accrédité la seule thèse de Ray, assassin de King. Oui. Pour masquer sa propre responsabilité. Bien évidemment, tout le monde avait encore en mémoire les appels à la haine de Hoover. Donc c'est lui, Hoover, qui a commandité l'assassinat du pasteur. Je ne crois pas, même s'il n'a pas dû porter le deuil bien longtemps. D'accord, mais alors qui Les exécutants étaient des blancs racistes. Comme Ray. Comme Ray, oui, avec l'aide de quelques mafieux locaux. Mais les commanditaires venaient de beaucoup plus loin. C'est-à-dire ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les communistes s'intéressaient beaucoup aux activités du pasteur King. Ils avaient placé à ses côtés quelques sous-marins. L'objectif ? Créer des troubles aux États-Unis en exacerbant la haine raciale. À Moscou, on suit en effet les choses de très près. Et on met de grandes espérances dans le prix Nobel de la paix. Mais très vite, Martin Luther King déçoit. C'est un non-violent, c'est un démocrate, un véritable Américain. Ouais. Il faut donc l'écarter au profit de leaders noirs plus radicaux, plus violents ? Oui. Et le KGB s'emploie à discréditer King, en particulier en Afrique. On le présente comme un oncle Tom, un traître à la cause noire. Ça ressemble à une opération de désinformation. Hein. Exactement, et qui va être suivie par une opération active encore plus machiavélique. L'élimination de Martin Luther King ? Oui, en assassinant le pasteur, on se débarrasse d'un leader décidément trop modéré, et on en fait aussitôt un martyr de la cause noire. Le résultat, c'est le déchaînement de la violence, cette violence que justement toute sa vie, Martin Luther King a voulu éviter. Ouais, ça me paraît quand même un peu échevelé, votre affaire, là. Ah, vous croyez ? Moi, j'ai été frappé par le fait que, dès la mort de King, c'est de Moscou qu'est venue la thèse du complot raciste. Un complot qui aurait été fomenté avec la complicité des autorités américaines et du FBI. Ouais, bah ça, c'était la désinformation qui continuait. Hein. Oui, mais je ne serais pas étonné que, dans cette affaire, il ait vraiment existé une sorte de connivence inavouable entre les hommes de Moscou et ceux du FBI. Que penser de cette thèse inédite ? J'ai cherché, en vain, dans les documents existants. Rien. Seule piste. Dans le livre de Christopher Andrew sur les documents Mitrokhin, ouvrage intitulé « Le KGB contre l'Ouest » et publié chez Fayard, on apprend qu'effectivement, le KGB s'est intéressé de très près aux activités de Martin Luther King et qu'il a contribué à le décrédibiliser. À samedi prochain pour le début d'une série de rediffusions qui durera tout l'été. Et je vous rappelle que vous pourrez écouter cette dernière émission et sans doute les précédentes sur franceinter.com.